doit faire le conducteur de la voiture rouge? Klaxonner, réponse A. Laisser passer le cycliste, réponse B. S'avancer dans le passage, réponse C.